Coexprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission autour de la question « Peut-on parler et rire de tout ?» Je suis avec Naomi. Bonjour. Et Audrey. Salut. Donc, je vous laisse vous présenter un petit peu, dire ce que vous faites dans la vie, etc. Donc moi, je m'appelle Naomi, j'ai 20 ans. Je suis en service civique chez Coexister depuis maintenant une semaine et demie. Et voilà, on est là aujourd'hui pour aborder un sujet assez important. Moi, je m'appelle Audrey, je suis étudiante et responsable du groupe local de Coexister Nancy. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc on va commencer. Première question, pour vous, y a-t-il un ou plusieurs thèmes qu'on peut ou non aborder? Alors pour ma part, je pense qu'on peut aborder plusieurs sujets, sauf certains. Je pense notamment à tout ce qui est autour de la religion. En fonction des convictions des gens. Donc je pense que c'est un sujet assez tabou à aborder et assez compliqué à rire dessus. Et pourquoi tu penses que c'est assez compliqué d'en parler en général de religion ? Bah, je pense qu'on a tous pas les mêmes convictions, pas les mêmes croyances, donc c'est assez compliqué d'aborder certains sujets en fonction des croyances des autres. D'accord, et toi, qu'est-ce que t'en penses, André ? Moi, je pense que globalement, on doit parler de tout. Enfin, on peut et on doit parler de tout, même si effectivement, il y a des sujets qui sont un petit peu plus complexes à aborder que d'autres. Effectivement, Naomi disait le sujet de la religion, ça peut être d'autres sujets. Ça peut être aussi la mort, le deuil, qui sont des sujets assez à des sujets de société assez complexes. Mais c'est pas pour autant que, enfin, pour ma part, c'est pas pour autant qu'on doit les occulter et ne jamais en parler. D'accord, donc vaut mieux en parler, mais de façon un peu plus respectueuse, en écoutant les autres, etc. Exact, oui. Ouais, voilà, ça dépend du cadre dans lequel tu es, en fait. Si t'es dans un cadre safe et bienveillant, il n'y a pas de souci, là, tu peux discuter vraiment de tout avec la personne. D'accord, très bien. Pour revenir à ce que tu disais, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout ? Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais pas forcément avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien connaître la personne, et savoir éventuellement le vécu de la personne, connaître ce qu'elle peut ressentir, pour pouvoir savoir si on peut rire ou pas de tel sujet avec elle. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand même aux ressentis des gens. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est important de connaître la personne pour aborder certains sujets avec elle, et du moment que ça reste dans le respect. Personnellement, je trouve que c'est une bonne façon de casser les tabous, les préjugés, même si ça pourrait les renforcer, mais si on reste dans le respect, si ça blesse personne, si après une blague, par exemple, qui pourrait blesser quelqu'un, la personne vient nous dire que ça l'a blessé, et qu'on prend en compte ce truc-là, que c'est pas forcément que ça l'a blessé, quoi. Si ça reste dans le respect, en tout cas, on peut aborder, je pense, tous les sujets au niveau de l'humour. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière d'aborder les sujets qui sont un peu tabous, un peu difficiles Je pense que déjà, il faut, c'est ce que je disais juste avant, il faut connaître la personne, il faut savoir qui elle est, savoir aussi quel type d'humour est-ce que la personne a l'habitude d'utiliser. Est-ce que c'est une personne qui a de l'humour ou pas? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'humour, il faut le savoir aussi, ou qui ont très peu d'humour. Oui, qui ont un peu plus de mal à avoir de l'humour sur certains sujets. Exactement. D'accord, moi je pense que pareil, du moment que ça reste dans le respect, que ça vexe personne, que ça vise pas à discriminer un groupe de personnes ou autre, je pense que sur certains sujets, on peut aborder, aborder l'humour, mais vraiment je pense que ça dépend vraiment du sujet et de la personne avec qui on en parle. Après, aborder tous les sujets, ça peut permettre aussi de déconstruire des préjugés, d'amener une manière de vivre ensemble un peu plus correcte en écoutant les autres et en admettant qu'il y a des idées simplement différentes autour de nous, quoi. Bah, en soi, l'humour, ça permet de dédramatiser. Donc, même sur des sujets qui sont dits, qui sont connus comme étant des sujets difficiles, on peut utiliser l'humour pour dédramatiser et pour que les gens puissent parler et pour libérer la parole sur certains sujets. Après, il faut faire attention aussi au niveau de l'humour, parce que, comme je disais, ça peut aussi alimenter certains préjugés, certaines stigmatisations qui pourraient porter défaut au sujet qu'on essaye de dédramatiser, tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, et dernière question. Est-ce que, pour vous, c'est important de rire et surtout de parler des sujets qui sont plus tabous dans notre société? Ouais, moi, je pense que c'est important parce que quand on parle pas des choses, enfin, quand on met pas les choses au clair, c'est là que ça crée des ambiguïtés et c'est là qu'on peut se retrouver dans des situations justement assez chaotiques. Donc, parler de tout, effectivement, ça peut permettre à la fois de dédramatiser, de faire connaître, de déconstruire certaines idées néfastes ou certains tabous. Donc oui, je pense que c'est important de parler de tout. Bah, pour revenir à ce que je disais justement, je pense que oui, dans un sens, c'est important de parler de tout et de rire de tout, mais ça a certaines limites. Je pense que du moment que ça ne vexe personne et que ça ne discrimine personne ou quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une religion, une conviction, peu importe, je pense qu'on peut rire de tout, mais avec certaines limites. D'accord, très bien. On est toujours sur Co-Exprime avec Naomi et Audrey. On se retrouve juste après une interlude musicale avec Gimme More de Britney Spears. A tout de suite. Okay. force and the unstoppable danger. You're gonna have to remove me. Co-exprime sur Fadjet, animé par l'association Coexister Nancy. On est de retour sur Co-exprime avec Naomi et Audrey sur la question « Peut-on parler et rire de tout ?» Tout à l'heure, on parlait de la question, on en débattait, etc. Maintenant, on va un peu se recentrer sur l'actualité. Donc, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui fait un peu débat, qui est important ou non d'aborder ? Bah, en ce qui concerne l'actualité, je pense que ce qui s'est passé avant-hier, notamment avec un jeune qui s'appelle Benjamin, qui s'est filmé avec un ami à lui dans une église, donc un lieu religieux, en train de danser de façon relativement obscène. Je pense que c'est important d'en parler, justement. Ça revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-on rire de tout ? Non, concernant relativement les religions, etc. Donc je pense que c'est un sujet d'actualité qu'on pourrait aborder. Qu'est-ce que t'en penses, Audrey ? Bah, moi, en soi, je pense que le fait de... Alors, d'après ce que j'ai compris, cette personne a twerké, du coup, enfin, a fait un twerk dans une église. Je pense qu'effectivement, c'est pas forcément le lieu super approprié pour ce genre de danse, sachant que c'est un lieu où il y a des gens qui viennent prier, qui viennent se recueillir, des fois qui viennent pleurer leur mort. Enfin, voilà, c'est pas le lieu, effectivement, pour faire ce genre de choses. C'est ça, pour le coup. On peut voir, du point de vue des gens qui sont de cette religion, donc les personnes catholiques, ça peut être vu de façon irrespectueuse par eux, parce que c'est un lieu sacré de leur religion, et ce qu'il a fait, ça peut être vraiment vu de façon irrespectueuse. Mais pour le coup, après, ce qu'il a fait, c'est débile. On dit comme c'est, mais après, faut pas non plus que cautionner ce qu'il y a derrière, tout le harcèlement qu'il a reçu, etc. Faut plutôt que discuter, je pense, avec lui, je sais pas ce que vous en pensez, pour lui faire comprendre un peu que certaines personnes ont une sensibilité différente et que ça peut blesser, choquer, etc., mais pas non plus tomber dans le harcèlement comme ce qui se passe. Non, bien sûr, après, bien évidemment que le harcèlement, c'est absolument pas tolérable, et encore moins dans n'importe quelle situation, en fait, hein, même pas dans celle-là, spécialement, mais après, voilà, je veux dire, c'est quand même assez grave ce qu'il a fait, donc forcément, ça suscite des réactions plutôt, pas exagérées, mais de grosses réactions, quoi, parce que c'est quand même un gros manque de respect envers une religion, quoi. Et non, bien évidemment qu'on ne cautionne absolument pas le harcèlement qu'il reçoit, non. Ouais, je suis d'accord avec ce propos. Effectivement, le harcèlement, déjà, c'est quelque chose d'intolérable dans toutes les situations, de toute façon. Après, effectivement, la solution, pour moi, ça serait plus, effectivement, d'avoir une discussion avec cette personne, de savoir, voilà, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, est-ce qu'il mesure la portée de son acte. Est-ce qu'il sait que effectivement ça a pu blesser certaines personnes, mais en aucun cas le mettre au bûcher cette personne, si j'ose dire, ça va résoudre quoi que ce soit. Et le bûcher du harcèlement est quelque chose de terrible, donc c'est surtout pas quelque chose à cautionner. C'est ça, et puis je pense que ça ouvre une porte sur d'autres problèmes, comme le fait. Je pense qu'il n'a pas voulu faire de mal en soi, mais ça montre aussi que du buzz sur internet, ça reste du buzz, quoi, et que la preuve, avec sa vidéo, il a fait des millions de vues, il est même passé sur une émission à la télé, et je pense que ça montre un certain problème de... comment dire ça ? De buzz facile sur internet qui entraîne des choses pas forcément bien... Genre, on peut buzzer facilement sur des choses qui peuvent être blessantes pour certaines catégories de personnes, certaines religions, etc. C'est assez, assez triste, je trouve, de pouvoir buzzer sur des trucs qui sont pas forcément, entre grosses guillemets, politiquement corrects. Ouais, c'est clair. Et puis après, je pense que c'est une personne qui s'est pas forcément rendu compte de la portée de son acte, mais qui effectivement voulait faire du buzz, voulait, voilà, je sais pas, avoir des followers rapidement, je ne sais quoi d'autre. Mais il a trouvé une solution facile pour le faire, et il s'est peut-être pas rendu compte que effectivement, il était dans un lieu qui est sacré. Et, au-delà de la du caractère sacré d'une église. Je pense que c'est juste bête en fait d'avoir fait ça. Pour moi, c'est plus de la bêtise que vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Et je pense que c'est vraiment de la bêtise et du buzz facile, comme tu disais. C'est ça. Après, on blâme pas cette personne en particulier. C'est juste une bêtise générale qui fait que on peut être amené à faire ce genre de choses qui sont, je trouve, assez irrespectueuses, qui peuvent blesser, qui peuvent choquer, etc. Oui, exact, c'est pour en revenir à ce que je disais justement tout à l'heure, comme quoi on ne peut pas rire de tout. Justement, concernant cette situation, par exemple, je trouve absolument pas ça drôle. Après, je sais pas, je pense que personne n'a trouvé ça drôle. Mais très honnêtement, c'est justement par rapport à ce genre de situation que je pense qu'on ne peut pas rire de tout. Après, probablement que lui, ça l'a fait rire, hein, parce qu'il avait l'air assez content de ce qu'il faisait. Mais justement, pour revenir à ça, c'est vrai que justement, dans ces genres de situations, je pense qu'on ne peut pas se permettre de rire sur ce genre de sujet. Après, pour compléter ce que tu dis, en soi, on pourrait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Le fait est que... certaines formes d'humour, comme l'humour noir, etc., ça peut... c'est un type d'humour qui joue sur une certaine violence, entre guillemets, qui joue sur les stigmates, sur les choses taboues, sur les choses qui choquent, etc. Et je pense que certaines personnes sont plus sensibles à ce type d'humour, à ce type de parole, et ça pourrait vraiment blesser, choquer les personnes qui sont vraiment qui ont vraiment une conviction pleine. On en a fini aujourd'hui avec ce thème, donc on va parler un peu plus de l'actualité de l'association Coexister, du coup. Audrey, je te laisse annoncer les différents événements qui arrivent, etc. Alors, on a un café-débat qui arrive dans un lieu qui s'appelle Court-Circuit à l'Axou. Donc ce sera le 18 mars à 19h30, et le thème du café débat, ce sera les violences faites aux femmes et la violence en général. Après, on a plusieurs autres types d'événements qui vont arriver. On a en prévision une visite du camp de concentration du Struthof qui est prévu. Et on est en train de préparer d'autres événements aussi, dont... une soirée de charité, voilà, qui sont des choses qui vont arriver tout doucement, qui sont encore sur le feu pour l'instant. Très bien. Vous pouvez de toute façon retrouver toutes les informations sur l'Instagram et le Facebook de Coexister, @coexister. Vous avez un dernier mot à passer aux personnes qui nous écoutent ? Bah, merci pour de nous avoir reçus. Merci pour ce moment. Moi aussi, donc je remercie tout le monde de nous avoir invités à partager ce moment et de nous avoir permis de débattre sur ce sujet. Très bien, merci de nous avoir écoutés, c'était l'émission Coexprime avec Naomi et Audrey, ainsi que moi-même. On se retrouve dans 2 semaines pour une émission Coexprime entre jeunes de différentes convictions.